téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Aujourd'hui, dans l'affaire sensible du football, que dis-je, de la politique. Nous vous proposons en effet de redécouvrir l'histoire du match historique entre la RFA et la RDA en 1974 dans la compétition la plus prestigieuse qui soit sur la planète foot, la Coupe du Monde, événement plus suivi encore que les Jeux Olympiques. Il se trouve que le tirage au sort, facétieux et doté d'un sens aigu de l'histoire, avait mis l'équipe de la RFA dans le même chapeau que sa voisine communiste, la RDA. Deux pays issus de la même famille, mais qui se regardent en chien de faïence depuis 25 ans, séparés par les soubresauts de la géopolitique. Alors, ce 22 juin 1974 à Hambourg, ce n'est pas seulement une partie de football qui se joue, mais un morceau d'histoire. À travers cet exemple, le foot populaire et universel nous rappelle à quel point il devient parfois une métaphore ou un révélateur concret des enjeux internationaux. Réalité particulièrement forte pour l'Allemagne, tant son équipe nationale a incarné à de nombreuses reprises à la fois le miroir et le destin du pays. Pourtant, ce n'est pas du côté des Allemands que cette Coupe du Monde a brillé, mais du côté des Hollandais, avec celui qui est devenu pour l'éternité l'un des trois plus grands joueurs de tous les temps, le Hollandais Johan Cruyff, qui nous a quittés le 24 mars 2016. Les deux autres, Pelé, toujours vivant, et Maradona, mort hier. Alors, n'est-ce pas le moment ou jamais de parler foot, aujourd'hui ? Maradona, c'était les années 80, le match RFA-RDA les années 70, nostalgie quand tu nous tiens. Notre invité aujourd'hui, Philippe Collin, producteur et présentateur de l'émission de France Inter « L'œil du tigre », tous les dimanches soirs à 18h, qui traite du sport à travers une grille de lecture sociale, politique, historique, en un mot intelligente. Il est également l'auteur de la BD intitulée « La patrie des frères Werner » chez Futuropolis avec Sébastien Goethals au dessin. Cette BD nous emmène dans les coulisses les plus intimes de ce match historique RDA-RFA. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Simon Maisonob, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Berne, en Suisse, nous sommes le 4 juillet 1954. Ce jour-là, dans le stade Wangdorf, se tient la finale de la 5e Coupe du Monde de football. D'un côté, l'incroyable équipe de Hongrie, emmenée par son attaquant magique Ferenc Puskás, invaincu depuis 3 ans et ultra favorite, une sorte d'équipe des Pays-Bas avant l'heure. En face, un adversaire surprise, l'Allemagne de l'Ouest. Personne, en effet, ne voyait l'équipe de la jeune République fédérale allemande aller aussi loin dans la compétition. Et pourtant, avec à sa tête le sélectionneur Sepp Herberger, l'équipe de l'Allemagne de l'Ouest s'est hissée jusqu'en finale grâce à un style défensif, rude, parfois brutal, toujours fermé. L'issue du match ne fait aucun doute. Les deux équipes se sont déjà rencontrées au début de la compétition. Victoire sans appel des Hongrois, 8-3. Et en finale, le scénario semble se répéter. Dès le début du match, l'Allemagne est emportée par la vague hongroise. À Berne, finale du championnat du monde de football entre les grands favoris, les Hongrois maillot foncé et les Allemands maillot blanc, rescapés du match d'appui. Turek repousse une attaque hongroise. Sur un tir de Coxis, Puskás ouvre le score sur un shoot croisé. Il y a 6 minutes que le match est commencé, Hongrie 1, Allemagne 0. Coxis attaque encore. La défense allemande est submergée. Kollmeyer commet une lourde erreur. Sibor se saisit du ballon et marque. 8e minute, Hongrie 2, Allemagne 0. L'Allemagne va-t-elle être pulvérisée ? Ce serait méconnaître la volonté germanique. Les Allemands vont de l'avant. Schäfer centre. Buzanski repousse faiblement la balle. Et Morlock marque le premier but allemand. Corner pour l'Allemagne. Grosit tente d'intervenir. Rahn surgit et marque imparablement. Hongrie-Allemagne 2-2. Stupéfaction hongroise. Joie de 15 000 supporters allemands. Les Hongrois veulent remporter le sceptre mondial. Ils attaquent avec une persévérance et un panache merveilleux. Il n'y a plus que 6 minutes à jouer. Schäfer sert Rahn qui dribble et marquera du pied gauche le but de la victoire. Allemagne 3, Hongrie 2. L'Allemagne est champion du monde de football. Les joueurs manifestent leur joie tandis que les Hongrois perdent avec sportivité et dignité. Puis l'équipe d'Allemagne va chercher la Coupe mondiale, témoin de son merveilleux succès. Omówienie najważniejszej sprawy związane z dalszym rozwojem wojny w tej kraju. Il y a 6 minutes que le match est commencé, Hongrie 1, Allemagne 0. Ce jour-là, accroché à son poste de radio, un jeune garçon écoute le match en direct. Il habite à Giesing, le quartier ouvrier de Munich, la capitale bavaroise, côté ouest. Il a 9 ans et porte un nom bientôt légendaire, Beckenbauer, prénom Franz. À peine le match terminé, comme tous ses compatriotes, il exulte. Les rues des principales villes sont envahies par la foule qui salue la victoire de ses héros. Alors, Franz prend son ballon et s'en va, des rêves plein la tête, rejouer le miracle de Berne avec ses amis en bas de chez lui. Un autre garçon écoute sans doute ce match, lui aussi. Il vit à Halberstadt, en Saxe, côté Est. Il a 6 ans et il s'appelle Jürgen Sparwasser. Chez lui aussi, en République démocratique d'Allemagne, la joie éclate chez ses compatriotes. Mais elle est retenue, dans la presse en tout cas. Le lendemain, l'exploit de l'équipe est relégué en dernière page des journaux. Ce 4 juillet 1954, un match de football, pas comme les autres, témoigne de l'incroyable situation de ce pays coupé en deux. Depuis 9 ans, et les conférences de Yalta et de Potsdam, les Alliés ont décidé la division de l'Allemagne après la capitulation du Troisième Reich. Les zones d'occupation britanniques, américaines et françaises à l'ouest fusionnent pour former la RFA. En réponse, l'URSS instaure la démocratie populaire allemande, la RDA. Dès lors, la question allemande devient l'épicentre de la guerre froide. Au cœur de l'Europe, deux mondes s'opposent. La RFA, capitaliste, et la RDA, communiste, deviennent les vitrines des deux modèles. La première s'ouvre à l'Europe, la seconde se tourne vers le bloc soviétique. Le rêve de la réunification s'éloigne à mesure que le conflit se cristallise. La construction du mur de Berlin, ancienne capitale, divisée en deux, elle aussi en août 1961, entérine symboliquement la division d'Allemagne. Dans cette guerre de position entre les deux blocs, le sport tient une place particulière. Mais oui, le miracle de Berne en 1954 redonne de la fierté à une population traumatisée par le nazisme. Elle symbolise le miracle économique de la RFA, redevenue en quelques années la première puissance d'Europe. Première puissance économique, en tout cas. En face, l'URSS fait du sport un enjeu essentiel. Et la RDA, le disciple le plus zélé de Moscou, met au point un système révolutionnaire de formation des sportifs. Les RDA, pourtant toutes petites et peu peuplées, se placent derrière les deux géants américains et soviétiques lors des grands rendez-vous internationaux. Pour le football, ça prend plus de temps. Donc, pendant des années, la RDA évite soigneusement les matchs contre son voisin. Pourtant, en 1974, 20 ans après le miracle de Berne, elle n'y coupera pas. Et c'est ainsi que les roues de Beckenbauer et de Sparwasser, ces deux jeunes footballeurs unis dans l'émotion d'une victoire, tout autant que séparés par les mots de l'histoire, se croiseront. Éric Gilbert. C'est fait, on connaît maintenant la composition des quatre groupes pour la Coupe du Monde de football. C'est un jeune joueur berlinois de 11 ans qui a procédé tout à l'heure au tirage au sort, Dominique Bressot. Je rappelle bien sûr que la France n'est pas concernée puisqu'elle est éliminée de cette Coupe du Monde. Mais tout de même, je crois que les amateurs de football aimeraient avoir quelques éclaircissements sur ce tirage au sort. Deux groupes très ouverts, celui du Brésil, de la Yougoslavie, de l'Écosse et du Zaïre. Et puis aussi l'Uruguay qui devra disputer les éliminatoires avec la Hollande, la Bulgarie et la Suède. Les deux autres groupes, rapidement, l'Allemagne de l'Ouest se retrouve avec le Chili, l'Allemagne de l'Est et l'Australie. Dernier groupe enfin, l'Italie, la Pologne, l'Argentine et Haïti. Ce 5 janvier 1974, le tirage au sort du tableau de la Coupe du Monde en a décidé ainsi. Cette 10e édition, organisée de surcroît en Allemagne de l'Ouest, sera le théâtre d'un match RDA-RFA. Une fois n'est pas coutume, l'événement sportif international est d'emblée placé sous le signe de la politique et de l'histoire. Quelques mois auparavant déjà, en novembre 1973, les amateurs de football ont assisté à une scène surréaliste. Lors du match retour de barrage qualificatif censé opposer l'équipe du Chili à celle de l'URSS, les 11 joueurs sud-américains se retrouvent seuls sur le terrain du stade national de Santiago. Alors ils marquent un but dans un but vide, tout simplement. Et pour cause, l'équipe soviétique a déclaré forfait par opposition au coup d'état de Pinochet le 11 septembre 1973. Elle ne sera donc pas à la Coupe du Monde. Le 7 mai 1974, un mois avant le début de la compétition, nouveau coup de théâtre. le chancelier allemand Willy Brandt démissionne après l'arrestation de l'un de ses proches collaborateurs, Günther Guillaume. Ce dernier était en fait un espion est-allemand, infiltré depuis des années à l'Ouest. Depuis 1969, à travers l'Ostpolitik, Willy Brandt a favorisé la reprise des relations et la reconnaissance mutuelle des deux Allemagnes. Avec lui, la RFA avait confirmé son retour au premier plan sur la scène internationale. Pour preuve, la double attribution des Jeux Olympiques de Munich en 72 et de la Coupe du Monde de football en 1974. Malheureusement, les Jeux Olympiques de Munich ont été marqués par le terrible attentat de l'organisation palestinienne Septembre Noir contre l'équipe d'Israël. Alors, deux ans plus tard, plane au-dessus de cette Coupe du Monde de football un étrange climat. À 48 heures de la cérémonie d'ouverture de la 10e Coupe du Monde, la fièvre monte à Francfort malgré la pluie et le froid. Les organisateurs sont sur les nerfs, la radio et la télévision allemandes paniquées, et voir un joueur de football est pratiquement impossible. Et malgré des laissez-passer spéciaux, les barrages de policiers, armes au poing, sont des plus difficiles à franchir. On ne veut pas d'un nouveau Munich, dit-on ici, mais l'ambiance sportive a pratiquement disparu. Pour le reste, après beaucoup de sport, le football risque de vivre une crise intérieure. Cet après-midi, l'Assemblée générale de la Fédération internationale s'est donné un nouveau président, le Brésilien Avalanche. Mais cette élection n'est pas du goût de certains membres de l'UEFA. Par la voix du Belge, M. Wouters, l'UEFA dit qu'elle représente près de 80% des licenciés dans le monde et qu'elle n'a pas à être dirigée par un Brésilien. Et parle même de faire scission à plus ou moins long terme. En fait, il semble bien qu'il y ait sous tout cela une histoire de gros sous, puisqu'on murmure dans les couloirs que les deux candidats ont eu leur campagne électorale payée par des marques d'articles de sport concurrentes. Comme vous pouvez le constater, on est bien loin du sport. Espérons que l'on ne parlera enfin que de lui à partir de jeudi 15h. Le jeudi 13 juin 1974, à Francfort, la compétition démarre avec le match entre le Brésil et la Yougoslavie. 0-0, match terne. Comme ce début de compétition marqué par des conditions climatiques difficiles, le vent et la pluie ne cesseront pas tout au long de ce mois de juin allemand. Seule éclaircie dans la grisaille, l'équipe hollandaise et son football total guidé par le génie Johan Cruyff, et la Pologne aussi, équipe surprise du tournoi avec son buteur, Lato. La RFA, grande favorite de ce tournoi à domicile, gagne ses deux premiers matchs contre le Chili et l'Australie, mais sans convaincre. L'Allemagne de l'Est, de son côté, gagne contre l'Australie et fait match nul contre le Chili. Lors de ces deux matchs, l'équipe est copieusement sifflée par le public ouest-allemand. Les RDA est bien une équipe honnie par l'Ouest, expression d'une adversité éminemment politique. Alors, le match que tous attendent, c'est bien sûr le troisième et dernier des phases de groupe, celui de la RFA contre la RDA, les deux sœurs ennemies. Il s'agit là d'une grande première, car jamais, en effet, les sélections des deux Allemagnes ne se sont rencontrées officiellement. On sait tout ce qui sépare les deux voisins, pas tellement sur le plan sportif, mais surtout sur le plan idéologique. C'est donc dans un contexte très spécial, très particulier, qu'Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est vont s'affronter. Une victoire sur l'Allemagne de l'Ouest qualifierait certainement l'Allemagne de l'Est. Victoire improbable, car les Allemands de l'Ouest, chez eux, pour leur Coupe du Monde, feront tout pour que ce premier match contre les voisins soit un succès. Car une défaite serait la pire des humiliations. Le match est annoncé comme le premier de l'histoire entre les deux équipes. En réalité, la RFA et la RDA se sont déjà rencontrées, notamment lors des Jeux Olympiques de 72. Pour cette compétition, la RFA n'a pas inscrit sa vraie équipe nationale, car ses joueurs sont professionnels. Or, aux Jeux Olympiques, seuls les amateurs peuvent participer. Par ailleurs, les clubs des deux États se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises au cours des compétitions européennes. La dualité entre la RFA et la RDA se retrouve même dans la mascotte officielle de cette Coupe du Monde. Type étape, deux petits footballeurs, un petit brun et un grand blond, se tiennent la main. Une manière de dire qu'en cette année 74, si le rapprochement a bien eu lieu entre les deux États, c'est pour mieux éloigner leur rêve de réunification et à l'inverse, affirmer la domination de l'un sur l'autre. À l'image de ces deux Allemagnes irréconciliables, les deux enfants de la balle, marqués par le miracle de Berne en 1954, Franz Beckenbauer à l'ouest et Jürgen Sparwasser à l'est, ont poursuivi leur rêve, chacun de leur côté. Ils illustrent, à travers leur parcours, l'évolution générale du football dans chaque pays. Le premier, Beckenbauer, n'a pas mis longtemps à montrer son talent. port altier, il transcende son équipe en même temps qu'il révolutionne son poste. Avec lui, le libéro, depuis la défense, devient le véritable organisateur du jeu. Très jeune, il s'impose par son charisme comme le leader du club phare de l'Allemagne de l'Ouest, le Bayern de Munich. En cette année 74, l'ossature de l'équipe nationale est composée des joueurs majeurs de ce club. Le gardien, Sepp Maier, surnommé le chat, ou le buteur, Gerd Müller, alias Der Bomber. Ensemble, ils viennent de remporter pour la première fois la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, la RFA est grandissime favori du match, comme le disent supporters et joueurs. Qui va gagner, à votre avis ? Les Allemands de l'Ouest, je suis sûr. C'est l'Allemagne de l'Ouest, c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Ah, c'est mon pays natal. Ce sera un match comme les autres, à votre avis ? Ah non, je pense qu'il y a peut-être quelques conflits. Pour quelles raisons ? Ah, politique. Est-ce que vous avez peur de rencontrer l'Allemagne de l'Est ? Non, je crois que nous allons gagner contre cette équipe. Ils n'ont pas de tels joueurs comme Beckenbauer. Pourquoi nous allons gagner aujourd'hui ? Titre le Bild, l'un des principaux quotidiens de l'Ouest. Une suffisance justifiée d'ailleurs vu la qualité des RFA, mais qui repose sur une vision biaisée du football est-allemand. Il suffit de suivre la carrière de Jürgen Sparwasser, le gamin d'Halberstadt, aujourd'hui âgé de 26 ans, pour comprendre les nets progrès des équipes en RDA. Le jeune milieu offensif appartient à une génération dorée de l'Allemagne de l'Est qui arrive à pleine maturité. En club, les équipes de l'Est commencent à avoir des résultats. Le club de Sparwasser, Magdebourg, a remporté la Coupe des Coupes cette même année 74 et le Dynamo Dresde a failli éliminer le Bayern de Munich dans l'autre Coupe d'Europe des clubs. L'équipe de RDA est principalement composée des joueurs de ces deux clubs et elle s'est illustrée au JO de Munich 2 ans auparavant en remportant la médaille de bronze. Emmenée par un sélectionneur brillant au look d'aristocrate Georges Büchner, la RDA affiche ses ambitions. J'espère pouvoir faire partie des poules finales du championnat du monde. Le fait d'être considéré sur le plan international va nous permettre de voir si nous avons fait des progrès. On jugera en fonction des résultats. Nous avons amélioré notre travail grâce aux efforts de la part de la direction de notre association ainsi que de la volonté des joueurs, aussi bien pour l'organisation et la formation que pour ce qui concerne le football en général. Nos plus grandes vedettes sont en train de se former. Je crois que nous aurons bientôt des joueurs de classe internationale. Ce match entre les deux voisins rivaux concentre bien sûr tous les regards. Les médias internationaux et surtout allemands, d'un côté comme de l'autre, grossissent le trait d'ailleurs. Les enjeux politiques sont exacerbés. À l'Ouest, on parle d'un combat entre frères, pendant qu'à l'Est, on n'hésite pas à rebaptiser le match la lutte des classes. Les joueurs des deux camps ont pleinement conscience de la charge symbolique du match à venir. Avant la rencontre, les joueurs de la RDA prennent le résultat de l'autre match de leur groupe entre le Chili et l'Australie. Et c'est un match nul qui leur assure la qualification pour le tour suivant. Les deux équipes d'Allemagne sont donc certaines de poursuivre la compétition. Le match à venir est alors libéré de tout enjeu sportif. En revanche, dans un camp comme dans l'autre, la défaite serait terrible. Ce 22 juin 1974, joueurs et spectateurs attendent un match sans enjeu, mais pour l'histoire. Increase in heartbeat as 20 cannibals have pulled a view. They need their protein just like Hambourg, Volksparkstadion, le parc du peuple, si vous préférez. Nous sommes le samedi 22 juin 1974, il est 19h20, quand les hymnes des deux États retentissent dans le stade. Plus de 60 000 spectateurs sont venus assister à cette affiche historique entre la RFA et la RDA. Le pays hôte, l'Allemagne de l'Ouest, est soutenu par la majorité des supporters. La pression est forte sur ses épaules. Les ministres placés dans la tribune officielle entendent bien affirmer leur supériorité sur l'adversaire et le modèle communiste. Les joueurs de la RDA, eux, ne peuvent compter que sur 1500 supporters triés sur le volet, arrivés le matin même par un train spécial et placés sous étroite surveillance. Les autorités est-allemandes ont refusé d'assouplir le traité de circulation entre les deux pays, qui ne prévoit qu'une visite par an et seulement en cas de situation familiale urgente. Un état prison. Alors, aucun dignitaire n'est présent en tribune, si ce n'est le président de la Fédération de football. On le sent immédiatement, l'attitude des joueurs de la RDA trahit des consignes strictes. Dans le couloir qui mène au terrain, aucune discussion avec l'adversaire, aucun sourire, aucun signe amical, rien. Des agents de la Stasi, d'ailleurs, accompagnent les joueurs et les surveillent de près. Postés sur les toits du stade, des tireurs d'élite en charge de la sécurité achèvent de donner à ce match une ambiance particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Voici l'arbitre, il va avoir un rôle important. En principe, le match devrait se dérouler dans un excellent esprit, puisque je vous l'ai dit et je le répète, c'est important. Les deux équipes sont certaines de participer au tour suivant. Le stade est plein. Les deux équipes ont été encouragées d'égale manière jusqu'à présent. Vous voyez sautillant ici Wolfgang Gobera, un des joueurs les plus discutés d'Allemagne avec Beckenbauer, mais qui a sans doute beaucoup, beaucoup de talent. L'équipe de Beckenbauer est à droite, bien sûr, avec son maillot habituel, maillot blanc, c'est Beckenbauer qui attaque culotte noire, bas blanc. Et joue à droite en première mi-temps, on joue depuis une minute ici à Hambourg, où Lyonnais vient d'être servi. Même les commentateurs semblent plombés. Le match lancé, la politique s'efface tout de même et le jeu reprend ses droits. D'emblée, le jeu des deux équipes se met en place. La RFA part à l'attaque et la RDA se regroupe en défense. Dans l'équipe de l'Ouest, le sélectionneur a fait des choix forts. Il a écarté Netzer, le superbe meneur de Mönchengladbach, pour confier l'animation offensive à Overath, le joueur de Cologne. Ce choix illustre les dissensions internes de la RFA depuis le début de la compétition. Il se trouve qu'entre le sélectionneur et certains joueurs, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Sur fond de négociation de primes, Beckenbauer n'a pas hésité à critiquer publiquement son entraîneur avant le match. En fait, George Büchner a lui aussi fait ses choix. Il positionne à la pointe de l'attaque deux joueurs rapides, le milieu offensif Jürgen Sparwasser et le benjamin de la compétition, Martin Hoffmann. Sa tactique est simple, tenir le score de 0-0 le plus longtemps possible et compter sur l'avantage physique de ses joueurs pour faire la différence en fin de match. Alors, les vagues blanches de l'Allemagne de l'Ouest déferlent sur le but de Jürgen Kroy, le gardien de la RDA. Mein, Frank, Müller. Il n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer souvent. Wolfgang Overath, qui va peut-être essayer de tirer. Talonne pour Floet, tout ça vient de Floet à la limite et 16 mètres, tire. Beckenbauer, Müller, oui, bien joué, Müller, et premier but d'or. Oh, comment Grabowski n'a pas marqué ce but. Toute l'équipe ouest-allemande est maintenant dans la partie gauche du terrain, domination constante depuis 5 minutes. Les joueurs est-allemands essaient de casser le rythme de ce match, de laisser passer l'orage. Floet, Breitner, Hönes. Hönes va essayer de prendre des vitesses. Non, préfère essayer vers le centre. Breitner s'est bien démarqué, voilà qui est bien joué. Müller. Ah, la balle qui touche le poteau. Floet aux prises avec Kisch. Floet, centre de Floet. Müller au point de pénalty. Et voilà. C'est la mi-temps, 0-0, nous nous retrouvons dans 12 à 13 minutes environ pour suivre la deuxième mi-temps. Pendant ce temps, place au journal télévisé, ici Hambourg, à vous parler. À la mi-temps, les joueurs regagnent rapidement le vestiaire. Après 45 minutes de jeu, le constat est clair, la RFA n'y arrive pas. Elle se procure de nombreuses occasions, certes, mais sur des tirs lointains, sans grand danger. En face, la RDA est bien en place et procède en contre-attaque. Pendant la pause, George Büchner fait quelques ajustements. Il a remarqué les dangereuses montées de l'arrière-gauche, Paul Breitner. Alors il fait entrer Erich Hamann, un milieu défensif supplémentaire, très endurant, pour bloquer son adversaire direct. Le jeu reprend et la configuration du match se répète. Attaque de l'Ouest, défense de l'Est. Les minutes filent et petit à petit, la RFA s'épuise face au bloc de la RDA. À la 77e minute de jeu, sur une énième attaque manquée de la RFA, Erich Hamann, milieu de la RDA, récupère le ballon dans son camp, à la droite du terrain. Il amorce la contre-attaque, remonte le ballon, lève la tête et aperçoit, oui, l'appel de Jürgen Sparwasser, là, devant la surface adverse, entre trois défenseurs. Müller qui a beaucoup de mal à marquer, je crois qu'il a marqué un seul but depuis le début du tournoi. Müller, un des trois buts marqués contre l'Australie. C'est-à-dire qu'il est surveillé de très près. Sparwasser, une occasion. Oui. But marqué par l'Allemagne de l'Est, par Sparwasser, sur un magnifique contre-attaque, c'est du délire. Dans le camp des supporters est-allemands, qui sont seulement 1500, je vous l'ai dit. Nous allons revoir ce but au ralenti. Sparwasser, comme il est content et comme on le comprend. Les courses de Jürgen Sparwasser et de Franz Beckenbauer se croisent. Le gamin de l'Est passe devant celui de l'Ouest, le temps d'une action, moment suspendu. Le ballon rebondit au sol, puis sur le visage de Sparwasser qui n'en demandait pas tant. Alors il élimine les deux défenseurs, Vogt et Schwarzenbeck, et s'ouvre le chemin des buts. Il ne reste plus que le gardien, Sepp Maier. Sparwasser feinte, dribble, arme son tir, et c'est le but incroyable. Sparwasser laisse exploser sa joie dans une roulade. Est-ce qu'il sait, à ce moment-là, qu'il est entré dans l'histoire? Ses partenaires lui sautent dessus pour le féliciter. En face, les joueurs ouest-allemands ne paniquent pas. Ils sont habitués à revenir au score et à marquer dans les dernières minutes. Alors ils livrent leur dernière force dans la bataille, mais rien n'y fait, toujours rien. Concentré, la RDA ne laissera pas filer cette victoire. Le plan du sélectionneur Georg Büchner fonctionne parfaitement. La fin du match dans quelques instants. Les arrêts de jeu. Dans un instant, M. Ramon Barreto Ruiz va siffler la fin du match, qui va donner la victoire à l'Allemagne de l'Est pour sa première rencontre de l'histoire du sport allemand. Première rencontre entre les deux Allemagnes en football. L'Allemagne de l'Est gagne la première manche, 1-0. But marqué par Sparwasser. C'est un but historique. Et c'est la fin du match. Sparwasser est applaudi, c'est un tour d'honneur réclamé par les 1500 supporters, c'est le héros de la soirée. Je vous rappelle qu'ici à Hambourg, l'Allemagne de l'Est par Sparwasser a battu l'Allemagne de l'Ouest, 1-0. Rendez-vous demain pour la suite du tournoi mondial, ici Hambourg. Merci de nous avoir prêté attention, bonne fin de soirée. Fin de la sieste pour les commentateurs, le match est terminé. À la surprise générale, la RDA bat la RFA. Chez elle, s'il vous plaît. Les joueurs de l'Allemagne de l'Est laissent éclater leur joie et se congratulent. C'est normal. Car une fois encore, il n'y aura pas d'échange avec les adversaires. On s'ignore physiquement et politiquement. Cette victoire historique a évidemment un retentissement international. Le lendemain, d'ailleurs, la presse ne se prive pas. On peut y lire la victoire des amateurs de l'Est contre les millionnaires de l'Ouest. Jürgen Sparwasser devient du jour au lendemain le héros de la glorieuse RDA communiste. Un statut qui montre rapidement ses limites. Le soir de la victoire, on l'empêche d'aller faire la fête avec ses coéquipiers. Imaginez donc la nouvelle idole en train de danser dans une discothèque de l'Ouest, ce serait du plus mauvais effet. Sportivement, les conséquences de cette victoire se révèlent inversement avantageuses. D'un côté, la RDA se retrouve dans le groupe le plus difficile au deuxième tour avec les Pays-Bas, le Brésil et l'Argentine. La RFA hérite, elle, d'un groupe à sa portée avec la Pologne, la Suède et la Yougoslavie. On soupçonnera même la RFA d'avoir perdu volontairement contre la RDA pour éviter ce deuxième tour qui aurait été plus relevé. L'Allemagne de l'Est perd contre les Hollandais et les Brésiliens. Sa compétition s'arrête là. En face, la défaite contre les frères ennemis fait l'effet d'un électrochoc. En coulisses, Franz Beckenbauer prend les rênes de l'équipe et remet les choses à plat. La RFA retrouve son jeu et parvient à se frayer un chemin jusqu'en finale contre les Hollandais volants. Elle a lieu le 7 juillet 1974 à l'Olympiastadion de Munich. À part les Kneipe, formule allemande de nos bistrots, tous les lieux publics étaient à peu près sans âme. Dans ces Kneipes, l'on se regroupait surtout cet après-midi pour profiter d'un poste couleur et d'une unanimité détonnante lorsque l'équipe d'Allemagne marquait un but. À deux reprises, dans tout le pays, ce fut donc l'explosion. La bière et les cigares aidant, les organismes ont donc été à rude épreuve. Demain, les Allemands reprendront le travail avec un peu plus de conviction que durant ces dernières semaines. Car cette Coupe du Monde, ce fut aussi le deuxième carnaval allemand de 1974. Quasiment 20 ans après le miracle de Berne, l'Allemagne de l'Ouest déjoue à nouveau les pronostics pour se hisser sur le toit du monde. Franz Beckenbauer accomplit son destin et remporte sa Coupe du Monde à domicile. De l'autre côté du mur, les Allemands de l'Est sont rentrés depuis quelques jours en RDA où ils sont accueillis en héros. Deux ans plus tard, au JO de Montréal, ils remporteront cette fois la médaille d'or, couronnement d'une génération dorée. Après deux échecs en finale, en 1982 et 1986, la RFA remporte la Coupe du Monde 90 avec Franz Beckenbauer, toujours mais comme sélectionneur, cette fois, et quelques mois seulement avant la réunification des deux Allemagnes, qui sera effective le 3 octobre 1990. Une fois encore, le destin de la Nationalmannschaft est intimement lié à son histoire. Désormais, Allemands de l'Est et de l'Ouest joueront sous le même maillot. Pour sa part, Jürgen Sparwasser, le héros du match d'Hambourg, vit un retour difficile en RDA. Au fil du temps, il finira par se mettre le public à dos, des rumeurs sont lancées sur son compte. Il aurait bénéficié d'une belle voiture, de nombreux avantages accordés par les autorités. Finalement, en 1988, un an avant la chute du mur, il profite d'un match amical en Allemagne de l'Ouest pour quitter la RDA et rejoindre la RFA. De héros, il devient traître à la patrie. Étrange destin à la fois romanesque et pathétique. Quant à la morale de cette histoire, elle est contenue dans l'aphorisme célèbre du footballeur britannique Lineker qui disait « Le football, c'est un jeu qui se joue à 22 pendant 90 minutes et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. » Ich übe. Was werde ich tun, wo gehe ich hin? Was werde ich tun, wenn das, was ich bin, dir nicht gefällt? Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le match historique entre la RDA et la RFA. Sous l'œil du tigre, l'œil de notre invité Philippe Collin. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Je rappelle que vous êtes producteur et présentateur de l'émission L'œil du tigre sur France Inter, tous les dimanches à 18h. C'est un carrefour entre la passion du sport et la passion de l'histoire, voire de la politique, la passion du monde réel dans lequel on vit. Alors dites-moi, certains ont bien fantasmé avec ce match RFA-RDA, sont allés jusqu'à dire qu'on pouvait y voir éventuellement une métaphore de la réunification de l'Allemagne avant l'heure, tu parles. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il n'en est rien. Et on le voit dans votre BD, ce match c'est un peu celui des riches contre les pauvres, d'un match, d'un monde contre l'autre, d'un système politique contre l'autre. Peut-on même aller jusqu'à parler d'hostilité de chaque côté des tribunes? En tout cas, ça passe cette opposition par les deux coachs. C'est très important. Helmut Schön, qui est le coach ouest-allemand, et Georg Büchner, qui est le coach est-allemand, tiennent des discours dans les vestiaires qui sont l'incarnation de deux philosophies de l'Europe et du monde à l'époque. Helmut Schön dit que nous devons mener un football offensif. Donc la vedette, c'est l'attaquant, c'est l'entrepreneur, c'est le libéral. Georg Büchner, qui est un homo sovieticus, dit « Attention les gars, en Union soviétique et dans le bloc de l'Est, on défend le paysan, on défend le travailleur, on défend le genre humain. Donc on défend. » Et ils vont tenir la ligne de but comme on tient la ligne du front. C'est-à-dire qu'en fait, Büchner leur dit « Nous allons faire comme Lev Yashin, qui était le grand gardien soviétique, on va tenir la ligne de but comme on tiendrait la ligne du bloc, la frontière du bloc. » Donc on a ici deux systèmes de jeu qui sont très opposés et les discours dans les vestiaires sont vraiment l'incarnation de deux mondes face à face. D'ailleurs, on le voit dans votre BD, puisqu'on entre dans l'intimité du match jusque dans les vestiaires, et on voit qu'il y a des questions de fric à l'ouest, des primes. À l'est, il n'y a pas du tout ces questions-là, autre chose. Mais ça, c'est très important, Fabrice, parce que nous sommes dans une génération des années 70 où certains footballeurs vont incarner des valeurs de gauche, comme Paul Breitner ou Johan Cruyff. Et ces garçons-là vont dire, mais attendez, nous sommes les travailleurs du football. Le football commence à cette époque à générer beaucoup d'argent, Fabrice. C'est le moment où l'argent entre dans le football. Mmh. Et des gars comme Breitner, qui est donc un des grands défenseurs de la RFA, disent, mais attendez, nous sommes les travailleurs. Donc nous avons droit à une partie des revenus. Il est de gauche, là, d'ailleurs, Breitner, il le dit. Hein. Il est maoïste, il a le pied lever rouge, il se revendique Mao. Mmh. Donc voilà. Et il est d'ailleurs, c'est un boomer, comme on dirait aujourd'hui, mais il est vraiment anti-guerre du Vietnam, c'est un hédoniste. Il incarne une génération de la jeunesse ouest-allemande, plutôt anti-militariste et plutôt à gauche, évidemment, extrême gauche. Et Breitner dit, j'ai le droit à une partie du gâteau. Je suis un travailleur, donc j'ai le droit à l'argent. Mmh. Et ça pose un vrai problème en Allemagne, parce que notamment en RFA, on ne joue pas pour la Nationalmannschaft, pour l'équipe nationale, contre de l'argent. On n'est pas des mercenaires. Et donc, c'est très compliqué. Et notamment, quelques jours avant le match, Fabrice, il y aura des fuites dans la presse ouest-allemande qui révéleront ces négociations secrètes entre l'équipe de la RFA et la fédération ouest-allemande. Il y avait une question d'une prime de 100 000 Deutschmark s'il gagnait la Coupe du Monde. Or, c'était resté secret parce qu'il n'était pas question que la population allemande sache ça. Or, on ne sait pas d'ailleurs encore aujourd'hui qui a vendu la mèche, ce qui a créé des grosses tensions dans l'équipe ouest-allemande, parce que tout d'un coup, la presse conservatrice notamment, ouest-allemande, désinguait ces mercenaires qui cherchaient du pognon par-dessus tout. Mais ce qui est remarquable, c'est que ça ne les a pas troublés d'un point de vue sportif, puisqu'ils ont gagné cette Coupe du Monde. Il a quand même fallu la gagner devant les Hollandais en finale. Donc, il n'y a pas eu de décalage entre cette mauvaise ambiance et le rendu sur le terrain, contrairement à ce qui s'est passé avec les Français en 2010. Oui. Ils ont mis un foutoir pas possible et honteux, et ça s'est vu sur le terrain. Absolument. On va entrer dans la BD. Donc, il y a eu la première, le voyage de Marcel Grob, qui se situait au cœur d'un drame historique, les Malgré nous, comme 10 000 Alsaciens, Marcel Grob avait été enrôlé de force par l'armée allemande. Des décennies plus tard, il a dû convaincre le tribunal qu'il n'était pas un criminel. Voilà, une histoire emplie de gravité, très touchante. Et voici maintenant, et depuis mai dernier, votre deuxième BD, toujours avec Sébastien Goethals, au dessin. Celle-là est intitulée « La patrie des frères Werner ». C'est assez fascinant parce que nous sommes là au cœur de la guerre froide. Tout est guerre froide dans ce récit, y compris et en particulier ce match RDA-RFA. Dites-nous comment ces deux frères se sont retrouvés dans la situation dans laquelle ils sont lorsqu'ils sont adultes. Eh bien, en fait, ce sont les frères Werner, Andreas et Konrad, ce sont ce qu'on appelle des enfants loups, en allemand des Volkskinder. Il y a 2 millions d'orphelins, Fabrice, à la libération en Allemagne. Le pays est dépecé, ruiné, totalement à genoux. Et donc, il y a des gamins qui sont là, qui ont perdu leurs parents. 8 millions de morts en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, donc 2 millions d'orphelins. Et ils doivent se débrouiller tout seuls parce qu'il n'y a pas encore des structures pour s'occuper d'eux. Donc on appelle ça enfant loup parce qu'ils doivent se débrouiller pour se nourrir, pour dormir, pour vivre en vérité, quoi. Et donc il y en a à peu près 2 millions. Et une partie d'entre eux, notamment en ex-Allemagne de l'Est, vont être récupérés par la Stasi comme pour intégrer une sorte d'école de propagande et d'idéologie. Donc les deux frères Werner, qui sont un peu Hansel et Gretel, si on veut, les deux frères vont, c'est comme un conte, les deux frères vont avancer comme ça dans ce monde détruit et vont rencontrer l'ogre. L'ogre, c'est le colonel Gronau, qui est donc l'officier recruteur de la Stasi, qui va leur proposer un deal, en quelque sorte. Rentrez dans la Stasi pour nous, et on s'occupera de vous. On prendra soin de vous. C'est comme un père de substitution, un père de remplacement. Parce que ce qui est important de savoir, Fabrice, et que je vais rajouter à cet excellent récit qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a une chose très importante qui se passe au mois de janvier 1974. En janvier, au moment du tirage au sort de cette Coupe du Monde, effectivement, donc RFA-RDA dans le même groupe. Le match aura lieu en juin. Or, très vite, il y a deux problèmes. D'abord, Brejnev, qui dirige l'URSS, ne veut pas que la RDA joue ce match parce que, on l'a entendu dans le récit, il y a également le Chili dans ce groupe. Chili contre laquelle l'URSS a refusé de jouer. Donc, ils sont éliminés, l'URSS. Mm-hmm. Brejnev dit à Honecker, qui est le dirigeant de l'ex-RDA, lui dit tu ne peux pas y aller en tant que connivence de l'Est. Tu es solidaire de nous. Tu es solidaire de Moscou. Tu ne vas pas aller jouer ce match, cette Coupe du Monde. Et par ailleurs, le SED, qui est le Parti communiste est-allemand, il y a à l'intérieur du SED une fracture. Des caciques du parti disent à Honecker, on ne peut pas aller jouer ce match, Honecker, parce qu'on va se prendre une rouste. Alors que ce sera deux systèmes, le football socialiste contre le football bourgeois. Si on se prend une veste devant les caméras du monde entier, on met en péril notre système, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Donc Honecker a peur. Mais Honecker tient bon parce que il a compris que l'enjeu de la guerre froide à l'Ouest, c'est le sport. Il n'y a pas de conflit ouvert. On se bat au Vietnam et en Corée du Nord, mais l'enjeu dans le monde occidental de la guerre froide, le front de la guerre froide, Fabrice, c'est le sport. Et on va voir avec les nageuses est-allemandes. Évidemment. Notamment. Et Honecker se dit, parce qu'en fait, il va prendre renseignement pour quitter la Coupe du Monde. Il approche la FIFA et la FIFA dit, mais très bien, si vous partez, vous êtes rayé de toutes les instances sportives internationales. Donc, vous ne pourrez plus faire les Jeux Olympiques, etc. Donc, impossible. Il veut rester. Et là, il va faire appel à Erich Milke. Erich Milke, c'est le patron de la Stasi. La Stasi, c'est la police politique est-allemande. Et c'est un grand fan de football, par ailleurs. Et ils vont mettre ensemble, tous les deux, dès le mois de janvier, ce qu'on appelle l'Action Leader, en allemand, l'opération cuir. Leader, c'est donc le cuir, c'est le ballon. Et ils vont essayer de peser sur le match. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi à intégrer 8 espions dans l'équipe de la RDA, la leur. Donc quand l'équipe part, notamment 3 joueurs du terrain sont des espions de la RDA, enfin recrutés comme des espions de la RDA. Et on n'arrive pas à savoir aujourd'hui encore s'ils ont réussi à intégrer des espions dans l'équipe de la RFA. Mais par exemple, je reviens à cette fuite dont je parlais dans la presse ouest-allemande des primes. Cette fuite-là, on ne sait pas d'où elle vient. Donc il y a des rumeurs comme quoi ils auraient réussi également à infiltrer l'équipe ouest-allemande. Je dis ça parce qu'en fait, les deux frères, évidemment, sont l'incarnation, les deux frères Werner dans la bande dessinée, sont l'incarnation de ces deux camps espions qui auraient intégré et qu'on voit à les deux staffs. Voilà. Et qu'on voit à l'œuvre dans votre BD, jusque dans les vestiaires. J'ai un avantage sur vous, cher Philippe, c'est que moi, j'ai vu ce match. Et vous n'avez pas pu le voir. Non, pourquoi? Moi, je suis né en 75, l'année suivante. Mais je l'ai revu 8 fois depuis. Fabrice, 8 fois pour travailler, 8 fois. Bon, je vous rassure, quand je l'ai vu, je n'étais qu'au collège. Hein, d'accord. Je préfère le dire. Mais oui, c'est important. On va continuer à parler de ce match dans 3 minutes, Philippe, après avoir écouté Félix Identico. Ah, magnifique. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Philippe Collin est sur France Inter, vous me direz, oui bien sûr, il est sur France Inter tous les dimanches à 18h, mais là il est 15h, et il est mon invité aujourd'hui pour parler du match RDA-RFA, parce que Philippe Collin, je le rappelle, vous venez de faire paraître, on vous avait fait paraître au mois de mai dernier, la deuxième BD qui se trouve au carrefour de la réalité, et puis d'imagination également, donc là c'est la patrie des frères Werner. Alors c'est une histoire vraie ou pas, ces frères Werner? Alors ces frères Werner, ils sont, comme je dis souvent, ils sont tirés du réel. C'est-à-dire qu'il y a un grand historien allemand qui s'appelle Christopher Spatz, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les enfants loups, donc ces orphelins allemands de la Seconde Guerre mondiale. Il a étudié 30 000 dossiers. Il a écrit un livre extraordinaire qui est sorti en 2016. Et je me suis inspiré pour créer ces deux enfants de tous les dossiers qu'avait épuisé dans ses recherches Christopher Spatz. Donc, effectivement, ils sont composites parce qu'ils nous intéressaient, pour Sébastien Goethals et moi, d'avoir deux véhicules, deux sœurs, deux Allemagnes, deux frères. Il y avait deux oppositions et on joue sur les oppositions tout au long de ce récit pour raconter l'Europe, en fait, d'aujourd'hui. Et donc, du coup, on les a issus du réel. Mais donc, tout ce qu'on raconte sur les gamins, sur leur vie, sur leur quotidien, sur leur rapport au monde, est tiré de témoignages qu'on a glanés dans les travaux de Christopher Spatz. Là, c'est une synthèse. Exactement, exactement. Bon. Oui. Et alors, pourquoi le choix de cette histoire? Je pose la question parce que par rapport à la première histoire, mm-hmm. mais malgré nous, il y a un lien personnel. Vous avez un lien personnel. Oui, hein, oui, absolument, c'est mon grand-oncle, voilà. Marcel Grob, okay. Absolument. Donc c'est déjà une bonne raison pour choisir cette histoire, mm-hmm. mais là, vous n'avez pas de lien personnel avec Paul Breitner, à moins que vous en ayez. Non, auquel cas, vous auriez de la chance. J'aime beaucoup Paul Breitner, mais je n'ai pas de lien personnel avec lui. Mais en fait, l'idée, Fabrice, c'était que si Marcel Grob racontait effectivement une jeunesse française kidnappée par les nazis et absorbée, broyée par la Seconde Guerre mondiale, je me suis très vite posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir 8 ans, 10 ans, 12 ans en Allemagne en mai 1945. On n'est responsable de rien, Fabrice. Car quand on a 8-12 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'est pas responsable de l'accession d'Hitler au pouvoir, on n'est pas responsable du NSDAP, le parti nazi, on n'est responsable de rien. Et on est orphelin, en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on est victime de guerre. Mais néanmoins, on appartient à un pays banni, à un peuple qui est montré du doigt, et un pays dépecé. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que grandir dans un pays comme celui-là ? Que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, d'ailleurs. Mm-hmm. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est ces enfants-là ? Et l'idée, c'était d'avoir un diptyque, c'est-à-dire deux volumes, deux histoires qui racontent une jeunesse européenne. Marcel Grob, 17 ans, absorbé par la guerre, fracassé par la guerre, un jeune français. Alors c'est assez facile quand on est lecteur français de se projeter dans Marcel Grob. On se dit, bah oui, oh là là, quel enfer, etc., c'est horrible. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à franchir le Rhin et de se dire, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire que d'avoir 10 ans en Allemagne en mai 1945 ? Quel destin, quel sort l'histoire te réserve ? Et c'était ça qui était au final de créer avec Sébastien ce diptyque pour raconter une histoire de l'Europe, d'où nous venons les uns les autres. Surtout que l'Allemagne est le point de bascule de toutes les grandes ruptures du dernier siècle. Du 20e siècle, absolument. En Europe, c'est absolument. Vraiment le point de bascule. Et quand on est devant la porte de Brandebourg en Allemagne, on s'est dit, c'est là que le monde est tombé dans l'abîme. Oui. Mais c'est là qu'il y a eu un autre monde en 89. Bien sûr. C'est incroyable à quel point l'Allemagne est centrale. L'Allemagne est au cœur de l'histoire européenne au XXe siècle et nous devons comprendre qui ils sont. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que le football, plus que tout autre sport, est porteur des signes de son temps, est un marqueur de son temps? Peut-être, je dis plus que les autres sports, parce que c'est le sport le plus connu, le plus universel, le plus populaire. C'est le sport le plus populaire, donc forcément, on retrouve beaucoup de fractures, de questionnements, de problèmes sociétaux dans le football. Mais il ne faut jamais trop plaquer la société sur le football. Le football reste un jeu, avant tout. Le football est un jeu, c'est un jeu, dans le mot jeu, il y a le mot enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut jamais trop charger le football, je trouve, il faut l'écouter, il faut le regarder. Ce match qu'on évoque ce soir est passionnant pour ça, parce que effectivement c'est une sorte de guerre froide réunie en 90 minutes sur un terrain avec 22 joueurs. Bon, effectivement, on peut y projeter plein de choses. Mais le football, ça reste un jeu, Fabrice. Il faut jamais oublier ça, parce que c'est important, c'est l'enfance aussi, le football. Donc il faut pas l'abîmer trop, il faut faire attention. Tout ce que vous dites, c'est Maradona. Absolument. C'est un jeu, absolument. C'est un truc d'enfant, absolument. Et c'est Maradona. Absolument. Quand vous avez c'est appris... pour ça qu'on aime Diego. C'est pour ça qu'on aime. Moi, je suis très triste de la mort de Diego. Ça nous a Maradona. Fait bizarre hein, quand on oui, a pris. Oui, très bizarre. Et je suis très très touché par la mort de Diego, parce que Diego va au-delà du football. Diego est une sorte de d'incarnation de toutes nos fêlures, hein, à chacun. Et c'est pas du football, nos excès et de nos angoisses en fait. Et c'est une sorte de Christ quasiment qui prend sur lui. Nos angoisses, en vérité. Quoi. Voilà, c'est un Christ laïque, bien sûr. Voilà. Dernière chose, on parlait de l'Allemagne, on aime bien nous les résonances avec le présent. Dites-moi, l'Allemagne est dans les choux, hein. Ça va pas du tout, là. Oui, ça va pas du tout, mais en même temps, l'Allemagne a beaucoup de ressorts, Fabrice, donc je pense que les Allemands vont trouver les ressources pour revenir au plus haut niveau. C'est leur histoire, c'est des grandes vagues, le football, et je pense que le football allemand va revenir très vite, très fort. Voilà. Pas trop vite, quand même. parce que moi, j'ai noté qu'au moment où l'Allemagne... étant un petit peu en déclin quand même. Oui. L'Italie revient. Toujours. Ah ben c'est un système de vases communicants. Et on connaît votre passion pour le foot italien. Donc voilà. Je vous souhaite plein de joie, Fabrice, en tant que supporter de l'Italie. C'est un système de vases communicants qui me séduit, ce qui se passe vrai. En ce moment. Merci. Infiniment, Philippe Dimanche. Merci à vous. Dimanche spécial Diego Maradona, bien sûr, à 18h10. On voilà. vous écoutera. Merci beaucoup, Fabrice. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le match RFA-RDA, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, et je vous le rappelle, tous les soirs à 23h. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Vuillet. Bien avant ce soir, il y a maintenant, et c'est avec vous, cher Antoine Decaune, bonjour. Bonjour Fabrice. Fabrice, vous aimez lire, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Vous me faites une confiance aveugle ? Complètement. Mais vous avez un ton qui me fait un peu peur, là. Oh, pas du tout. C'est qu'est-ce qu'il a préparé ? Précipitez-vous sur le livre d'Hervé Le Tellier, L'Anomalie. C'est notre invité aujourd'hui. Ah oui, je alors. Garantie une soirée enchantée. Merci du conseil. À tout de suite. De rien.